Le 31 août, d'après la radio sud-coréenne CBS, les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise ont déclaré ne pas accepter l'argent donné par le Japon au nom de gratification suivant l'accord humiliant. Par ailleurs, le 27 août, le couple sud-coréen Kim So-byeon et Kim Moon-sung, qui ont sculpté la statue de fillette esclave sexuelle au service de l'armée japonaise érigée devant l'ambassade japonaise à Séoul, ont affirmé continuer la statue de fillette.